père. C'est Oli. O-L-I. La Bible des petits. Je suis pas petit. Je suis grand. Bonjour, je suis Hugo Lindenberg et je vais vous raconter l'histoire de la Compagnie des rêves. Maman, j'ai fait un cauchemar. Porkison débarque éberlué dans la chambre de sa mère. Son cœur bat la chamade. Pour arriver jusque-là, il a dû trouver le courage de quitter son lit, traverser le long couloir enténébré où sommeille l'affiche du chat nu d'Égypte, qui le terrorise même la journée. Un cauchemar ? S'étonne sa mère endormie. Ton rêveur est déchargé ? Je ne sais pas, pleurniche Porkison qui s'est enfoui sous la couette. Le lendemain, joie de se réveiller dans le lit de maman, même si elle est déjà levée. Dans la cuisine, vêtue de son pyjama d'homme, elle inspecte le rêveur de Porkison en attendant que son thé refroidisse, puis lance le rêve qu'elle avait programmé la veille pour son fils. L'histoire d'un gentil garçon qui se lie d'amitié avec ses poux. Mais tout ce qui sort du petit appareil jaune clair, c'est un grésillement cauchemardesque. Alors, demande Porkison, en faisant irruption dans la cuisine, un foulard vert en guise de cape de Superman. Alors ça n'a pas l'air de marcher ton truc. Je me demande bien ce que tu lui as fait. Pourquoi c'est de ma faute, se défend Porkison. C'est vrai que Porkison a fait essayer le rêveur à Romuald pour voir si les chats étaient sensibles aux machines à rêve. Manifestement, ça les rend fous. Et qu'une fois aussi, il a oublié de l'enlever sous la douche, mais il a très bien marché depuis. Tu ne veux pas plutôt connaître mon cauchemar, demande Porkison, pour faire diversion. Lavé, habillé, mais malheureusement délesté de sa cape foulard verte, tu ne vas quand même pas sortir avec. Porkison arpente les trottoirs avec maman. C'est d'autant plus injuste qu'elle-même ne s'est privée d'aucune fantaisie en matière de bijoux. Direction, la Compagnie des rêves. Le magasin est juste en face de l'école. Il a remplacé la boulangerie de Madame Perron. Mais dans l'excitation de l'invention des rêveurs, personne n'a songé à regretter ces délicieux concords au chocolat. Il y a foule devant la boutique. « Hey, Pourk, tu sauras jamais ce qui m'est arrivé cette nuit. » C'est Nathanaël. Il est très excité et il y a une tache de stylo sur son pull. Nathanaël a toujours des taches. « J'ai fait un rêve, rien à voir avec d'habitude. C'était Blanche-Neige, tu vois. Elle avait un œil au milieu du front et des dents de dragon. Elle me pourchassait dans une forêt d'arbres mous et sa robe était tachée de groseille. » Porkison est jaloux. Il aimerait lui aussi tout prendre à la rigolade. « Mes parents sont furax, » dit Nathanaël. « Il paraît qu'il y a des enfants qui ont fait des cauchemars si horribles qu'ils ne veulent plus jamais dormir. La chance !»« Et toi, Pourk, tu as cauchemardé quoi ?» Porkison n'a pas envie de répondre. Il n'avait jamais encore fait de cauchemar avant. Et franchement, ce n'est pas très agréable. Ça vous colle comme un vieux sparadrap. Pile à ce moment-là, le monsieur du magasin des rêves sort de sa boutique. Lui aussi a l'air d'avoir mal dormi. « Inutile d'apporter vos appareils. Il y a eu une panne sur l'ensemble du réseau. Tout devrait rentrer dans l'ordre d'ici ce soir. » Nathanaël et ses parents sont venus à la maison de Porkison pour déjeuner. À table, Solange, la mère de Nathanaël, jubile en avalant ses aubergines farcies. « Tu vois, je savais bien que ce truc était dangereux. » La télé est allumée. Porkison a remis sa cape et franchement, ça va beaucoup mieux. D'abord, elle sent comme maman. Et en plus, elle est magique à cause des fils dorés qui la traversent. D'un coup, tout le monde se tait, comme le jour où on a annoncé qui allait être le nouveau président de la République. Le présentateur explique que les rêveurs n'ont pas été victimes d'une panne, mais que des pirates se sont introduits dans la base de la Compagnie des rêves pour détraquer les appareils à distance. C'est très grave, assure le présentateur. Les pirates ont aussi envoyé une lettre aux journaux. Ils se font appeler LACAN, L-A-C-A-N, pour Ligue des analystes contre l'abrutissement national. Ils disent que les rêveurs sont des appareils idiots et dangereux et que les enfants ont besoin de faire leurs propres rêves et même des cauchemars. « Même des cauchemars ?» dit Porkison, qui du coup ne sait pas trop s'il aime les Lacan. Jean-Michel, le papa de Nathanaël, dit que les psys sont vraiment fous. Pour détendre l'atmosphère, la maman de Porkison demande « Et vous, vous vous souvenez de vos rêves d'enfance ?» Alors, chacun se met à raconter des histoires de petites filles qui se rendent compte qu'elles sont allées à l'école en pyjama et de petits garçons qui croient que leur zizi a disparu. Celle-là fait particulièrement se tordre de rire Porkison et Nathanaël. Porkison se demande de quoi son chat peut bien rêver, lui qui dort toute la journée sans rêveur et qui a toujours l'air si serein. Quand Solange et Jean-Michel enfilent leur manteau pour partir, Porkison est content. Nathanaël reste dormir à la maison et ils vont pouvoir poser plein de questions à sa mère. Alors qu'elle lave les verres, Nathanaël balbutie. Pourquoi Lacan, ils aiment pas les enfants ? La mère de Porkison éclate de rire, tellement que ses boucles d'oreilles se mettent à gigoter, comme des lustres pendant un tremblement de terre. « Moi, je crois que c'est tout l'inverse, » dit-elle, en s'essuyant les mains dans un torchon. Elle explique que Lacan est un monsieur qui a vraiment existé, qu'il s'appelait Jacques, comme l'oncle de Porkison, et qu'il fumait des cigares. Quand les gens étaient tristes, Lacan leur disait de s'allonger et de raconter leurs rêves. « C'est la psychanalyse, » dit maman. Ceux qui ont piraté vos appareils pensent que les rêves révèlent même des secrets, ajoute-t-elle. Nathanaël et Porkison sont bouche bée. Il faut dire que la mère de Porkison, elle a le don pour raconter les histoires. Au moment de se mettre au lit, les garçons se demandent bien ce qui va leur arriver pendant la nuit. Nathanaël espère faire un cauchemar. Porkison, lui, a un peu peur. Mais sa mère a expliqué que c'est mieux de dormir sans rêveur. Tu sais, Porkichou, il va falloir apprendre à s'en passer. Après avoir sorti le matelas pour inviter et embrasser ses deux petites crapules, elle est sortie de la chambre en laissant la porte entrouverte. Dans l'obscurité, les garçons écoutent les bruits de la maison. « Tu as peur, Porkichou ?» se moque Nathanaël. Il doit bien sentir que son copain a la trouille de dormir. « J'ai une idée. Si tu veux, on n'a qu'à s'accrocher avec une corde. Comme ça, si un cauchemar te fait remuer dans ton sommeil, ça me réveillera et je te sauverai. » Porkison trouve que c'est une sacrément bonne idée. Il attrape sa ceinture de judo et les deux amis s'enroulent chacun une extrémité autour du poignet. Relié comme ça à son meilleur ami, Porkison sait qu'il viendra à bout des cauchemars les plus terrifiants. Le lendemain, quand les deux garçons arrivent à l'école, c'est l'excitation des grands jours. On croirait presque la kermesse. Juste en face, le magasin de la compagnie des rêves est fermé, rideau de fer tiré. Monsieur Valade, le directeur, est là pour accueillir les parents. Porkison et Nathanaël sont pressés de retrouver les copains. Chacun y va de son récit. Antoine a rêvé de chevaux qui galopaient sur l'eau, Nour qu'elle habitait dans un château, Lucas que ses parents l'inscrivaient par erreur dans une école de filles. Noah avoue même qu'il a fait pipi au lit. Tout le monde rigole, certains inventent un peu. Porkison lui a rêvé que son père était capitaine sur un bateau et fait fureur en ajoutant plein de détails. Mais c'est naturellement Nathanaël qui captive l'audience avec ses aventures. Il a rêvé qu'il volait au-dessus des toits. La sonnerie n'arrête pas les conversations animées, pas plus que la maîtresse qui veut consacrer la matinée aux questions des élèves. Il n'y a bien que Martin pour être déçu de ne pas pouvoir crâner en montrant qu'il a bien appris ses leçons. Sans surprise, il a rêvé qu'il était ministre. Et voilà, l'histoire est finie. Et maintenant, au lit. Non, une autre. Au lit. Au lit, c'est aussi une collection de livres illustrés à retrouver en librairie.